Chapitre 328. La réprobation de parler du coin de la bouche avec emphase et grandiloquence et d'utiliser un langage soutenu lorsque l'on s'adresse au commun des gens. 1736. D'après Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam répéta à trois reprises « Que périssent les outranciers » Al-Mutanatti'oun, Muslim. 1737. Selon Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhuma, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Allah déteste celui qui parle avec une éloquence exagérée, se délectant des mots comme se délecte la vache de l'herbe qu'elle rumine. » Abu Dawud et At-Tirmidhi a dit « Hadith Hassan ». 1738. D'après Jabir ibn Abdillah, radiyallahu anhuma, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Parmi ceux que j'aime le plus et qui seront les plus proches de moi le jour de la résurrection, il y a ceux qui ont le meilleur caractère. Et parmi ceux que je déteste le plus et qui seront les plus éloignés de moi le jour de la résurrection, figurent les bavards, les vantards et les mutafayyiqoun. » Les compagnons dirent « Ô messager d'Allah, nous connaissons les bavards et les vantards, mais nous ne savons pas qui sont les mutafayyiqoun. » Il dit « Ce sont les arrogants. » At-Tirmidhi a dit « Hadith Hassan ».